Section 22 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 22. Les amours de Gilles. Livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 5. Intrigue. Le quatrième acte mettait en scène le comte de Casadoro et le jeune seigneur Lélio. Séraphine eut un sourire moqueur en voyant que la loge du prince était vide, et un autre sourire, un sourire très tendre, pour l'étudiant Pietro. Celui-ci venait d'éprouver la plus forte émotion qu'il eût encore ressentie. Certes, il se croyait depuis longtemps remarqué par la comédienne, mais son aventure amoureuse se passait dans une espèce de rêve. C'était une illusion assez semblable à celle qu'éprouve le spectateur au théâtre, illusion très forte, presque complète quelquefois, mais qui ne domine pourtant jamais l'intime et machinal examen de la raison. Il savait bien, tout au fond de lui-même, et sans vouloir se l'avouer, que Séraphine ne pouvait pas l'aimer, en admettant qu'elle l'eût distingué, ce qui n'était pas bien sûr encore. Le passage du rêve à la réalité, l'entrée de sa liaison parmi les choses existantes, cela l'avait étrangement troublé. Lorsque Séraphine avait trouvé une si ingénieuse façon de lui faire voir qu'elle avait reçu sa lettre et qu'elle y répondait favorablement, il avait senti tout son sang affluer au cœur, en ce grand flot de vie que soulèvent les fortes impressions. Il avait cru défaillir de joie, d'une joie secrète, contenue, qu'aucun mouvement n'avait trahi. Pendant tout l'entracte qui avait suivi la déclaration de Séraphine, il était resté immobile à sa place, les yeux fixés dans le vide, plein de sa vue, les oreilles tintantes de ce qu'elle avait dit. En 10 minutes, avec cette rapidité de pensée qu'on a dans les songes, il avait vécu toute une vie de délices, et quand elle réapparut, il n'eut point d'étonnement du sourire qu'elle lui adressait. Il lui répondit d'un signe imperceptible, et ses yeux l'enveloppèrent de tendresse. Et pas une minute, il ne pensa que ce pouvait être un leurre, une fantaisie d'actrice, aussitôt oubliée. Comment se fut-il ingénié à croire qu'elle était poussée par un intérêt quelconque? Lélio tonnait sur la scène. La voix du jeune Lélio, de 45 ans, s'enflait pour provoquer le comte de Casadoro, son rival, et Colombine s'amusait à piquer sa jalousie avec une malice cruelle qui eût peut-être frappé un esprit moins prévenu que celui de Pietro. Mais il ne s'occupait que de comparer les deux amoureux, l'amoureux travesti et l'autre, le vieil amoureux. En effet, les jambes de Lélio, déjà fléchissantes sur des pieds vainement serrés pour paraître moyens, semblaient grotesques à côté du galbe exquis de celle du comte, et leur finesse n'était que de la maigreur, tandis que le mollet de l'actrice tendait le bas de soie à pleine maille, faisant valoir les nervures élégantes de la cheville et l'étroitesse du pied. Elle avait un habit de velours rose brodé de paillettes d'or et une veste à l'avenant, décorée au métier et d'une extrême richesse. Mais tout cela ne paraissait qu'à demi, pas assez pour que Lélio pût reconnaître ses propres vêtements sous une bahuta de blonde noire qu'elle avait vivement replacée sur sa tête à l'entrée de l'amoureux. L'habit ouvrait un peu sur les hanches, un peu sur la poitrine, accusant les rondeurs troublantes du travesti. Elle portait des culottes de satin noir et des boucles en brillant. Lélio avait les épaules étroites, la poitrine creuse, et les spectateurs des premiers rangs voyaient se fondre à la chaleur son teint de lys et de rose, cette fausse pulpe qui cachait chez lui les craquelures de l'âge mûr. Ah, quel joli amoureux que son rival! Tout le monde l'aimait dans la salle. Les femmes souhaitaient un amant, tel que le comte de Casadoro, et les hommes, une maîtresse pareille à Colombine. Colombine enleva lestement cette scène. S'étant démasquée, elle donna à Lélio des conseils si impertinents que dans la vie réelle, il eût mené tout droit aux galères le galant assez osé pour les suivre à la lettre. À l'écouter, le rap lui-même n'était qu'une peccadille, une belle occasion de montrer un cœur vraiment épris. Dans sa loge, le réformateur de l'université, déjà mécontent du rôle de niais que l'on donnait au docteur, trouva la tirade trop audacieuse et se promit d'en blâmer le soir même Maître Cornelio, avec menace de fermeture du théâtre par le podestat. C'était un homme sévère que ce réformateur. Pour lui, le théâtre était un lieu de mauvais enseignement, élevé contre l'université. Il cherchait toujours noise aux pauvres comédiens. Et si on l'eût écouté, le chariot de Thespis eût été traîné ailleurs, ses mensonges et ses scandales. Le dernier acte eut un grand succès près du populaire et des étudiants. La subite apparition du docteur, que Pantalon demandait à tous les échos, et son apparition en docteur gris, jetant à la face de Pantalon ses interminables reproches d'ivrogne, souleva de furieux applaudissements. Le public italien aime la grosse gaieté. Il a pour le pitre qui sait à propos lui dilater la rate, des enthousiasmes et des bénédictions frénétiques. Des gens se penchaient hors des loges, criant « Sois béni, docteur, que ton père soit béni. Ah, Caro, Caro !» Ce fut au milieu des rires que Pantalon furieux bâtonna son ancien ami et les trépignements couvrirent ses paroles quand il accorda la main de sa fille à Lélio, pendant que Colombine mettait la sienne dans celle d'Arlequin. Seul, monsieur le réformateur ne riait pas. Outré des dernières scènes, il sortit avant la fin de la pièce pour aller conférer avec monsieur le podestat. Des sentiments très divers agitaient les autres personnages de cette histoire. Le prince, piqué au vif par la fantaisie de Séraphine, méditait une rupture. Séraphine, avec quelque inquiétude sur le résultat de son stratagème, Maître Cornelio et ses acteurs se frottaient les mains, prévoyant un succès. Quant à l'étudiant Pietro, il s'en allait par la ville, sans savoir où, le front dans les étoiles. Fin de la section 22, lue par Margot.